avec tristesse, leurs amis a raconté, rail la passé, si on t'a lit sans espoir, madame mourir, lui quitter la toi pitié, nec dans la peine, lui pas contre ça pour le faire. Depuis matin, la marche elle pas contre côté de balai, si mon a prié, lui obligé sortir. La paix est derrière le lion bourré. Nous pas besoin de demander. Qui j'en la petit pense de travail. L'obligé fait ça parce que l'inoka que la déchiré, c'est la vie. Moi, il songeait longtemps, l'homme des petits, nous dès l'école, nous t'a fait bel projet. C'est bon courage. La paix biouet, derrière ton lion bourret. Nous pas besoin demander. J'en l'apprête, il pense ses travaux. L'obligé fait ça parce que l'inanka que l'a déchiré sur la vie. mon chaperon.